L'élève coréen Han Il-yong s'est classé spécial au 6e concours international de musique Rachmaninov, tenu du 5 au 15 novembre à Saint-Pétersbourg de Russie. Plus de 150 pianistes venus de la Corée, de la Russie, de l'Allemagne, des États-Unis et d'autres pays sont divisés en 4 catégories selon l'âge. Le concours a eu lieu à 3 tours. Le 15, à la clôture, Han Il-yong a reçu le prix spécial à la première catégorie.